peu mieux s'installer. Il reste quelques chaises libres par ici. Un tout petit peu de... Non, non, tout le monde est bien installé. Bon. Bah dans ce cas, on va revenir un peu aux sciences plus sociales et plus humaines et revenir un petit peu en arrière en histoire avec Thibault Le Texier. Oui, j'ai combien de temps à peu près ? Vingtaine de minutes. Oui. Bon, c'est la parenthèse un peu divertissante de la soirée. Hein. Comme souvent, les sciences sociales, c'est un peu leur rôle aussi, quoi, de mettre un peu de divertissement dans les sciences dures et sérieuses. Donc, je vais vous parler de mon enquête sur l'expérience de Stanford, qui est une expérience de psychologie qui a eu lieu à Stanford en 1971, qui a été menée par Philippe Zimbardo, qui était un jeune psychologue à l'époque, fraîchement recruté là-bas, et qui a recruté une vingtaine d'étudiants volontaires pour jouer le rôle de gardien et de prisonnier dans une prison qu'il avait aménagée dans les sous-sols du département de psychologie. Donc il avait tiré au sort comme ça pour savoir qui serait gardien, qui serait prisonnier. Et l'expérience devait durer 2 semaines, mais il a dû l'arrêter au bout de 6 jours parce que les gardiens avaient des comportements extrêmement violents et il y avait 5 cas de dépression nerveuse chez les prisonniers qui avaient dû être évacués de l'expérience. Et donc, par la suite, pour vous parler un peu de sa postérité, c'est une expérience qui a beaucoup circulé, notamment parce que dans le lendemain de la fin de l'expérience, il y a eu une tentative d'évasion d'un Black Panther, George Jackson, qui a mal tourné et il a été tué. Ça a fait la une des journaux, on a beaucoup parlé de la prison à ce moment-là. Et il y a eu la mutinerie d'Attica 3 semaines plus tard qui a fait 40 morts chez les prisonniers et chez la garde nationale qui est intervenue pour établir l'ordre. Et donc là il y a eu vraiment, les prisons ont été en une de tous les journaux américains. Et Zimbardo a été convoqué un peu comme l'expert national sur la prison puisqu'il avait son expérience là qui venait de faire, qui démontrait la nocivité des prisons. Et donc il est devenu comme ça Monsieur Prison aux États-Unis. Ensuite, l'expérience a connu une deuxième jeunesse en 2004 avec Abu Ghraib, puisque le Zimbardo a été convoqué, là encore, sur tous les plateaux de télé pour essayer d'expliquer mais qu'est-ce qui s'était passé, comment des soldats américains ont pu comme ça martyriser des prisonniers arabes. Et donc lui, il avait une explication toute trouvée pour dire c'est pas la faute des gardiens, c'est l'environnement carcéral de la prison qui a produit ces comportements-là. Et il est devenu témoin expert pour l'un des gardiens accusés d'Abu Ghraib, en essayant de le disculper, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Le gardien est auprès d'une très lourde peine. Donc l'expérience aujourd'hui est connue, et on la trouve dans à peu près la moitié des manuels de psychologie édités aux États-Unis. Zimbardo lui-même est l'auteur d'un manuel de psychologie qui a été le manuel le plus vendu en 40 ans aux États-Unis, qui a connu des dizaines d'éditions, de rééditions. C'est une expérience qui circule aussi en criminologie, en sociologie, en sciences politiques. Elle est citée par Anthony Giddens, par exemple, dans son manuel de sociologie, sans aucun bémol. Elle est citée aussi dans le manuel de Elliot Aronson, qui est un éminent psychologue américain, dont le manuel de Social Animal est une référence aux États-Unis. Donc là aussi, elle est citée sans bémol. J'ai trouvé une cinquantaine de manuels comme ça actuels qui parlent de l'expérience, et il y en a moins de 10% qui émettent un bémol à son sujet. Souvent, elle est relatée comme ça, comme si c'était la vérité vraie et comme ce qui s'était passé était absolument véridique. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié d'en parler, qui a remis l'expérience au goût du jour. Enfin, deux choses. Il y en a une première, c'est en 2001, il y a des psychologues qui ont fait une émission de télé-réalité pour la BBC qui s'appelle The Experiment, et dans laquelle il y avait comme ça encore des volontaires qui étaient enfermés dans un plateau de télévision reconverti en prison et qui étaient filmés jour et nuit. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les résultats étaient complètement opposés. En fait, les gardiens étaient très gentils et c'est les prisonniers qui ont pris le contrôle de la prison. Et ils ont fini par faire une commune pour autogérer collectivement la prison. Donc évidemment, Zimbardo a dénoncé ça comme, une, comme une sorte de simulacre d'expérience, comme de la science bidon, du divertissement. Et je pense qu'il a en partie raison. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on dit à des gens qu'on va les filmer et que ça va être transmis devant des millions de téléspectateurs, ils sont plus tellement spontanés. Mais cette expérience a quand même été publiée dans des revues psychologiques de haut rang, la plus grande revue anglaise de psychologie. Et les chercheurs qui ont fait cette étude sont aujourd'hui très bien considérés. Il y en a un qui est à l'université de St. Andrews et l'autre qui est en Australie. Et l'autre phénomène qui a maintenu l'expérience comme ça vivante et très connue, c'est qu'il y a eu trois films qui en ont été tirés. Un film allemand qui a eu un remake américain en 2010. Et en 2015, il y a eu une sorte de docu-fiction, de fiction, mais qui se présentait comme un documentaire, comme une version extrêmement proche de la réalité, à 95% vrai, donc sans dire quels étaient les 5% qui étaient faux. Et donc, le film a été primé à Sundance, est sorti sur les écrans aux États-Unis, là, il a très bien marché, là, il est sur Netflix, ça s'appelle The Stanford Prison Experiment, comme le nom de la prison. Et donc, quand je suis allé dans les archives à Stanford pour voir ce qui s'était réellement passé, en fait, j'ai découvert tout un ensemble de biais. Donc là, je peux vous résumer un petit peu. Le premier biais, c'est que la méthode a été écrite après l'expérience et les résultats ont été écrits avant, en fait, contrairement à ce qu'on fait en général. Donc là, Zimbardo était parti du principe, il voulait démontrer la nocivité de la prison. Il voulait démontrer l'influence de l'environnement, puisqu'il s'inscrivait dans le courant de la psychologie sociale, qui à l'époque était en bisbille, et elle est toujours avec les psychologues de la personnalité, où en gros il y a l'approche plutôt individuelle et l'approche plutôt collective. Et donc Zimbardo voulait vraiment démontrer que c'est l'environnement social, que c'est la situation qui a une influence majeure sur les comportements. Et donc là, en l'occurrence, il suffisait de mettre des volontaires qui avaient été testés pour mettre de côté ceux qui avaient un casier judiciaire ou qui étaient sadiques ou masochistes, donc pour garder que les volontaires normaux. Donc le simple fait de leur donner des uniformes et une prison à faire tourner, ça suffisait à les transformer en nazis, sans aucune pression extérieure, contrairement à l'expérience de Milgram, où là il y avait un scientifique en blouse blanche qui faisait pression pour soumettre à l'autorité les volontaires. Là, ils étaient vraiment laissés libres. Et c'est la situation elle-même qui a produit ces comportements. Donc, il voulait montrer ça pour apporter de l'eau au moulin de la psychologie sociale. Et il voulait aussi s'inscrire dans le mouvement de contestation de la guerre du Vietnam, contestation de l'autorité, contestation de la punition, contestation des institutions. Et donc, il y a des déclarations de lui où il publie un communiqué de presse le deuxième jour de l'expérience, où il dit, voilà, on sait que les institutions ont une influence sur les individus, on sait que la prison est une institution néfaste qui peut conduire à avoir des comportements pathogènes, ainsi de suite. Donc il a ses résultats, là, qui sont déjà là le deuxième jour de l'expérience. Donc il a ce double cadrage idéologique, il y a une sorte d'idéologie scientifique où il va absolument s'inscrire dans un courant de recherche et en même temps une idéologie politique où il veut absolument porter un propos. Il le dit plusieurs fois pendant l'expérience, il convoque des prisonniers, des gardiens qui sont un peu récalcitrants, qui sont un peu trop mous, et il leur dit, si t'es trop mou, l'expérience va être un échec et on ne pourra pas aller devant les médias pour dénoncer la prison. Donc si tu veux rendre service à la société, il faut que tu sois violent, il faut que tu sois méchant, il faut que tu sois un sale flic, et comme ça on pourra aller devant les médias pour dénoncer la prison. Donc il y a cette dimension d'idéologie politique aussi. Ça, oui, pardon. Est-ce que vous avez publié ça, s'il vous plaît ? Oui. Oui, c'est publié. Donc il y a un livre qui est sorti en avril, qui est sorti en avril à la découverte. Et là, il y a un papier qui va apparaître en anglais dans les semaines qui viennent dans la revue American Psychologist. Qui va lancer le débat aux États-Unis, j'espère, 50 ans après. Et donc, je peux vous l'envoyer, si vous voulez. Oui. On mettra les liens sur le site de Politique des Sciences. Ok. Oui, je pense aussi. Si tu peux revenir juste sur le fait que ton point de départ n'était pas celui-là au départ. Quand tu vas bosser dans les archives, jusqu'à quel point tu soupçonnes, toi ? Oui, moi, quand je suis parti, en fait, c'était pour un projet de documentaire sur l'expérience, puisque j'avais appris que l'expérience avait été filmée comme une expérience de télé-réalité, en fait, où il y avait une caméra cachée qui avait filmé l'expérience. Et donc, j'avais envie de faire un film à partir uniquement des archives de l'expérience. Donc, ces recherches ont été financées par un fonds d'aide au cinéma. C'est pas un hasard. Et donc, j'ai pu aller comme ça dans les archives. Et pour moi, quand je suis parti, l'expérience était tout à fait valable. Il y avait eu des doutes qui avaient été émis par des scientifiques, mais voilà, c'était un professeur réputé de Stanford. L'expérience était dans tous les manuels. Il y avait eu des documentaires dessus. Voilà, pour moi, il n'y avait aucune raison de douter de la véracité de l'expérience. Et même quand j'ai découvert les preuves, et quand bien même elles étaient vraiment accablantes, j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, c'est bidonné cette histoire, quoi, parce que je n'y croyais pas. Mais en fait, voilà, quand je vais vous montrer, il y avait tellement de biais que c'est indéniable que c'est un bidonnage et même un mensonge, en fait. Pour moi, il y a la volonté de délibérer, de tromper, quoi. Donc, le Zimbardo est aussi guidé par des finalités pédagogiques. Et c'est quelqu'un qui a été recruté à Stanford. Donc ça, il y a un programme de oral history très fort à Stanford où ils vont interviewer des anciens professeurs. Il y a ça dans beaucoup d'universités américaines. C'est un matériau très précieux. Et donc, j'ai retrouvé une interview de la personne qui a retrouvé Zimbardo et qui raconte du moment où elle a recruté Zimbardo. Donc, on sait pourquoi il a été recruté. Et c'est comme professeur plus que comme chercheur. Parce que c'est quelqu'un qui avait une réputation aux États-Unis comme étant un professeur très très séduisant, très punchy, avec un côté showman. Il se déguisait, il se travestissait, il faisait des spectacles, il faisait danser, il mettait de la musique. Et donc il y a un côté très important aux États-Unis où c'est pas comme le système français où les premières années undergraduate, il y a une sorte de tronc commun et c'est important pour chaque département de recruter des étudiants comme graduate students. Parce que c'est des gens qui vont faire des tests, parce que c'est des gens qui vont devenir éventuellement des disciples, qui vont citer vos travaux, qui vont perpétuer votre discipline et vos théories. Et donc, il y a un enjeu comme ça de canaliser les étudiants vers votre discipline. Et c'est le rôle que devait jouer Zimbardo. Et donc, il a imaginé l'expérience de Stanford aussi comme un matériau pédagogique qu'il allait pouvoir utiliser par la suite. Il l'a imaginé aussi comme un matériau médiatique. C'est pour ça qu'il a fait filmer l'expérience par une caméra cachée. Il a amené lui-même en voiture un journaliste télé le premier jour pour filmer les débuts de l'expérience. Il a fait venir des journalistes locaux, des photographes pour prendre des photos de l'expérience aussi. Donc il avait déjà une sorte de plan média, il avait l'idée de médiatiser l'expérience, sans doute avec l'expérience précédente qui avait fait beaucoup de bruit, l'expérience de Milgram qui avait été filmée aussi. Parce que Milgram était un documentariste amateur, en fait. Et donc, il avait l'idée de filmer. Il a fait plusieurs documentaires dans sa vie. Et Zimbardo a vu... Milgram était un ancien collègue de lycée, un ancien camarade de classe au lycée. Et il avait vu que l'image avait joué un rôle très fort pour populariser l'expérience de Milgram. Et donc, il a voulu faire ça aussi. Et il y avait d'autres finalités, carriéristes, financières. C'était une expérience qui était financée par la marine américaine aussi. C'était un des premiers travaux qu'il faisait pour la marine et il espérait qu'il y en aurait d'autres. Donc pour ce qui est des biais de l'expérience en elle-même, au-delà de ses intentions qui étaient très impures, il y a d'abord le fait que l'expérience a été basée sur une autre expérience qui a eu lieu 3 mois plus tôt et dont l'expérience de Stanford a repris beaucoup d'éléments. Donc ils ont photocopié quasiment à l'identique, par exemple, le règlement qu'ils ont distribué aux gardiens. Alors que Zimbardo a dit, ils ont inventé eux-mêmes leur règlement. En fait, non, on leur a donné un règlement à suivre. Pareil, ils ont copié de cette expérience précédente l'emploi du temps. Ils ont copié le protocole expérimental, les costumes, les ordres que les gardiens devaient donner aux prisonniers, les punitions que les gardiens devaient donner aux prisonniers. Donc, on a le droit de répliquer ou de reprendre des éléments d'une expérience passée, mais il faut le dire. Il faut dire quels éléments on a repris ou pas. Or, Zimbardo, lui, dans tous les comptes rendus de l'expérience, a complètement occulté cette expérience précédente. Il n'en parle jamais. Ou dans une note en bas de page, il va dire « certaines des variables ont été prétestées précédemment ». C'est tout. Et donc, voilà, ça, c'est pour moi un cas de malhonnêteté vraiment manifeste. Donc, il a présenté les comportements des gardiens comme étant complètement spontanés, alors que, comme je vous l'ai dit, ils ont été formés, ils ont eu une journée de formation en fait juste avant le début de l'expérience. On leur a dit quelles punitions ils devaient infliger, on leur a donné le règlement, on leur a dit quels résultats les chercheurs cherchaient à obtenir, et on leur a dit, vous n'êtes pas observés, vous êtes des acteurs. Vous devez jouer le rôle de méchant gardien. Et ensuite, Zimbardo, dans sa restitution de l'expérience, a dit, les gardiens étaient observés, et jamais on leur a dit qu'ils n'étaient pas observés. Ils savaient qu'ils étaient observés, ils ne jouaient pas un rôle, ils sont tombés dans le rôle spontanément parce que l'environnement était si puissant que voilà, ils ont mis leur costume, ils avaient leur bâton, leurs lunettes de soleil, et puis ça y est, ils sont devenus des méchants gardiens, quoi. Donc ça, c'est un biais dans la restitution des résultats où il a occulté en fait toute une partie des consignes qui ont été données aux gardiens et le fait que les gardiens n'étaient pas considérés comme des participants, mais ils étaient considérés comme des complices en fait par les expérimentateurs. Les scientifiques sont intervenus directement pendant le déroulement de l'expérience pour recadrer les gardiens qui étaient trop mous, pour donner des consignes ou pour au contraire féliciter des gardiens qui étaient bien sadiques comme il fallait par exemple, alors qu'ils sont présentés comme étant extérieurs à l'expérience. Il y a un des expérimentateurs qui était un étudiant de licence de Zimbardo qui a joué le rôle de chef des gardiens, alors qu'il est présenté dans les comptes rendus comme un volontaire, un étudiant volontaire. Donc Zimbardo laisse entendre qu'il fait partie des participants qui ont été recrutés, alors qu'en fait, il travaille directement pour Zimbardo. Ensuite, parmi les autres biais, il y a le fait qu'il n'a pas laissé les prisonniers sortir. Dans les restitutions de l'expérience, il dit que les prisonniers pouvaient sortir quand ils le voulaient, mais ils ont été tellement pris par la situation qu'ils n'ont pas demandé à sortir parce qu'on ne démissionne pas d'une prison. Et donc, en fait, pas du tout. Ils ont été empêchés de sortir. Plusieurs d'entre eux ont essayé à plusieurs reprises et on leur a dit non, vous pouvez sortir si vous êtes malade ou si vous faites une dépression nerveuse. Donc voilà, ils avaient le mode d'emploi. Il y en a officiellement 5 ont fait une dépression nerveuse. En fait, il y en a 3 qui ont fait semblant d'avoir une dépression nerveuse. Il y en a un qui a été libéré, on ne sait pas trop pourquoi. Il ne faisait pas du tout une dépression nerveuse, il était en train de balayer quand on l'a libéré. Enfin, il avait demandé à sortir, mais voilà, il a été libéré comme ça par les expérimentateurs. Et un autre qui a eu un problème de démangeaison parce qu'on l'avait privé de son médicament. Parce que les prisonniers ont été soumis à des conditions de vie extrêmes, puisque Zimbardo s'est dit on ne peut pas reproduire la prison en 2 semaines, puisque voilà, ça demanderait une mise en condition beaucoup plus longue, donc on va créer des conditions de prison extrêmes, beaucoup plus difficiles, et qui vont être irréalistes, mais qui vont produire les effets qu'on espère être ceux de la prison en fait. Donc on va créer une prison irréaliste pour essayer de créer des réactions réalistes, quoi. Donc là, il y a un problème de validité écologique, c'est-à-dire dans quelle mesure les résultats d'une expérience s'appliquent au monde réel. Là, en l'occurrence, il ne s'applique absolument pas. Et puis j'ai vu dans les archives et dans les publications de Zimbardo qu'en fait, il ne connaissait rien à la prison. Et il le dit lui-même, et il cite 2 livres dans la prison dans tous ses écrits. Donc il y en a un, ce sont les lettres de prison de George Jackson, et l'autre, c'est un témoignage d'un prisonnier français, le livre Papillon, qui a servi pour le film Papillon, qui est un récit complètement romancé de la vie en prison. Donc parmi les autres biais, il y a ce qu'on appelle les demand characteristics, c'est les exigences de la situation expérimentale. C'est en psychologie expérimentale, c'est tout ce qui permet à des participants de deviner où les expérimentateurs veulent en venir. Donc dans toute expérience, suivant le protocole, suivant la manière dont on leur explique l'expérience, souvent les participants arrivent à deviner un petit peu ce qui est testé, et souvent ils veulent bien faire, ils veulent être de bons sujets, et donc ils vont produire les résultats qui sont attendus. Donc voilà, ça dans l'expérience de Stanford, c'était criant. On leur a carrément dit dès le début, voilà ce qu'on veut démontrer, voilà ce qu'on veut prouver. Donc là, c'est un phénomène qui a été très fort. Il y a aussi ce qu'on appelle les biais de l'expérimentateur. On appelle ça aussi les effets Hawthorne ou l'effet Pygmalion, qui a été popularisé par Rosenthal, qui est que souvent l'expérimentateur, consciemment ou inconsciemment, va pousser ses sujets dans une certaine direction. Donc là, il y a Pygmalion à l'école, il y a eu des expériences fréquentes qui ont d'ailleurs été remises en question aussi par ailleurs. Et voilà, c'est un phénomène qui a été beaucoup observé, ce qu'on appelle le contre-transfert aussi. voilà, où l'expérimentateur va transférer sur ses sujets ses propres a priori. Donc il y a ce qu'on appelle le arcing aussi, ça j'en ai parlé, c'est ce qu'on appelle le hypothesizing after the results are known. Ça veut dire on va formuler les hypothèses une fois qu'on a trouvé les résultats, donc on va inventer un protocole qui colle avec ce qu'on a trouvé. Il y a aussi un phénomène qui est courant dans les sciences expérimentales où on va arrêter l'expérience quand on a collecté suffisamment de données qui vont dans le sens qu'on souhaite, pour ne pas risquer de collecter des expériences qui pourraient contredire ça. Ça, je pense que... Bon, non, mais dans la salle, tout le monde... Enfin, personne ne fait ça, mais c'est des choses qui peuvent se... C'est des choses qui peuvent se voir. Il y a, bon, le phénomène de, évidemment, ne parler que des résultats qui nous arrangent, quoi, d'enlever des data, les données qui ne vont pas dans le sens qu'on souhaite. Donc ça, c'est quelque chose que Zimbardo a fait. Et tu sais, c'est marrant que c'est ce qu'on nous demande de faire dans les journaux. Oui. En biologie, je me décide de trouver un journal qui va te donner 5 lignes pour expliquer des résultats que tu ne peux pas expliquer. Et que je ne laisse pas le faire. Oui. Voilà, bon, donc en biologie aussi, quoi. Ça, je ne savais pas. Donc il y a aussi une mise en scène de la science là à des fins médiatiques. Donc là il y a une complicité directe des médias. J'ai eu accès à des enregistrements d'un journaliste de NBC qui a fait le premier reportage sur l'expérience seulement 2 mois après l'expérience et qui a discuté avec les expérimentateurs, avec des participants, et il a bien vu que l'expérience était biaisée, il a bien vu que tous les gardiens n'avaient pas été violents, il a bien vu que les expérimentateurs étaient intervenus. Et pourtant, il va dire non, ça, il ne faut pas en parler. Et avec Zimbardo, ils vont créer une version de l'expérience où ils vont dire non, on va scénariser l'expérience pour que ce soit un crescendo comme ça, vers un climax dramatique. C'est ça qu'on va raconter dans le reportage. C'est effectivement ce qu'ils vont raconter dans le reportage, sans aucun bémol. Et c'est ce qu'ils vont raconter aussi après coup. Zimbardo va reprendre cette version à son compte. Et c'est la version qu'il va diffuser lui aussi dans les médias. Donc là, il y a aussi le cas, c'est même pas du publish or perish, c'est du impact or perish. Il y a la nécessité pour Zimbardo de faire un coup, de faire une expérience qui va laisser une trace, qui va faire de lui une marque, un nom célèbre, à l'égal de 2000 grammes. Il y a des généralisations abusives, puisqu'il va se servir de l'expérience après coup pour parler du pouvoir. Donc il va dire, en fait, l'expérience de Stanford, elle nous en renseigne pas seulement sur la prison, mais sur toutes les relations de pouvoir entre mari et femme, entre prof et élève, entre médecin et patient, entre manager et manager. Donc c'est la métaphore de toutes les relations de pouvoir. Ça, c'est complètement abusif, à nouveau. Il y a l'inadéquation entre les concepts qu'il va utiliser. Donc il va parler de pouvoir, mais pourquoi parler de pouvoir? Pourquoi pas parler d'influence ou de soumission, par exemple, ou de conformisme de la part de ceux qui sont violents? Donc non, il va utiliser des grands termes comme ça, génériques, sans les questionner, et en les généralisant encore plus. Je vais m'arrêter, j'ai un petit peu débordé déjà. C'était juste pour tirer quelques leçons de ça, donc bon, après, ça ne s'applique pas forcément à tout, quoi, mais voilà, pour moi, des façons de contrecarrer ça, c'est d'abandonner la cargo cult science, c'est-à-dire la façon dont on a de mimer la science pour avoir l'air plus scientifique, ou de parler un certain langage pour avoir l'air d'être plus scientifique, d'utiliser forcément des statistiques. Même Zimbardo fait des statistiques sur des données qui sont vraiment d'une maigreur extraordinaire, mais ça va donner un effet de scientificité à ce qu'il dit très fort. Donc voilà, pour moi, ce culte peut avoir des effets pervers. Pour moi, c'est très important qu'il y ait une dimension d'auto-analyse aussi quand on fait des sciences sociales, que le chercheur soit capable d'expliquer pourquoi il a fait ses recherches, pourquoi il a choisi cette méthodologie, quels sont les biais éventuels auxquels il était susceptible de céder et comment il a fait pour désamorcer ses biais. Donc là, Zimbardo, typiquement, aurait dû dire, on était dans un moment de contre-culture, hippie, donc il y avait la tendance naturelle à vouloir confirmer éventuellement, à vouloir faire plaisir comme ça à des étudiants de gauche et donc à vouloir démontrer certaines thèses. Donc comment il aurait dû désamorcer ça en dans son protocole lui-même. Il y a aussi, pour moi, ce qui pourrait éviter ça, c'est ce qu'on appelle le preprint. C'est le fait de publier les recherches en ligne, donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, publier les brouillons des articles en ligne et avec des commentaires ouverts, donc avoir un reviewing qui est complètement ouvert et transparent. Donc c'est ce qui se fait par exemple en deep learning ou en computer science avec Xarchive, qui marche très bien, où en fait maintenant les revues, la publication des articles dans les revues devient même secondaire en fait. Ce qui compte, c'est le débat en ligne sur les articles avant même la publication, ce qu'on appelle l'open peer reviewing aussi. L'open data aussi, le fait de publier ces données, ce que n'a pas fait Zimbardo, qui a rendu ses archives publiques seulement en 2011. Donc, il y a eu, par exemple, le journal American Psychologist a fait une enquête où ils ont demandé à des scientifiques, les auteurs de 250 études, leurs données, les données de leurs études, en leur disant vous en faites pas, on va pas les rendre publiques, c'est juste pour pouvoir regarder entre nous. Ils ont envoyé leur CV pour dire voilà, on n'est pas des journalistes, on est des chercheurs. Et les trois quarts des chercheurs ont refusé de donner leurs données, par exemple. Donc, voilà. Pour moi, il y a beaucoup de progrès à faire en termes de données ouvertes. Il y a aussi le fait que le fait de ne pas partager ces données n'est pas puni et le fait de les partager n'est pas récompensé aussi. Donc, voilà, ça a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Sur la publication dans les journaux à fort impact aussi, voilà, qui sont souvent des journaux qui ne sont pas en open access. Et qui sont des journaux dont le facteur d'impact souvent n'est pas forcément très objectif. Donc il y a eu en 2006 le journal PLOS Medicine qui a fait un article très intéressant où ils racontent leur discussion avec Thomson Reuters sur comment fixer le facteur d'impact de leur revue et pour montrer que c'était vraiment un truc de gribouille avec des négociations. Qui est sur le facteur d'impact? Oui. Dora. Et donc voilà, cet article est vraiment, vraiment intéressant parce que PLOS Medicine, le comité éditorial, était révolté quand ils ont vu comment ça se faisait, en fait, que c'était des magouilles, que c'était vraiment des discussions comme ça entre les portes pour évaluer les facteurs d'impact. Contre aussi le fait de... De faire des bourses, des facteurs d'évaluation des chercheurs aussi, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait de la recherche pour avoir des bourses et non pas on cherche des bourses pour faire de la recherche. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est regrettable aussi. Et il y a aussi dans le mouvement d'open reviewing, ça j'ai oublié d'en parler, ce qu'on appelle les registered reports. C'est le reviewing en deux temps où on va d'abord soumettre une méthodologie à une revue et ensuite, quand la méthodologie a été validée, on va faire la recherche et on va présenter les résultats dans un deuxième temps. Et donc, ça permet déjà de faire une première validation autour des résultats. Et il y a une initiative, donc ça, bah, David Larousserie, ici présent, qui en a parlé il y a la semaine dernière dans Le Monde, l'initiative Loss of Confidence, qui invite des chercheurs à eux-mêmes se dénoncer quand ils ont eu des pratiques douteuses ou des pratiques frauduleuses. Voilà, et puis donc il y a d'autres initiatives comme Papier ou d'autres, mais voilà, j'ai déjà trop parlé. Merci. Merci beaucoup. Avant de faire tourner la parole, je vais avoir une réaction du point de vue des questions qu'on se pose aujourd'hui en sciences sociales, et notamment du côté des sciences sociales qualitatives, pratiquant des formes d'ethnographie réflexive. Il y a toute une réflexion sur effectivement ce que c'est qu'archivage des sciences sociales, mais qui pose des questions de protection de la confidentialité des enquêtés. Qui sont extrêmement compliqués, c'est-à-dire il y a des moments où si on veut pouvoir garantir notre intégrité, c'est du point de vue de l'éthique de l'enquête qu'on risque de produire des choses compliquées. C'est pas pour dire qu'il y a aucune réponse, mais c'est pour réfléchir du coup au type de sécurisation des données sur nos enquêtés. Et est-ce que la bonne sécurisation c'est une institution publique, est-ce que c'est la cave du chercheur, est-ce que c'est une façon de dissocier complètement les listes nominatives, enfin voilà, je ne rajoute même pas la question de la CNIL, mais la question des archives de l'ethnographe, c'est une question énormément travaillée par exemple par Florence Weber hein, sur les façons de nous protéger aussi de ces mises en cause et de protéger malgré tout les enquêtés. Des questions, des remarques ? Guillaume Coudray, je fais également des films documentaires. Je travaille sur les questions d'additifs alimentaires et de fraude en matière d'additifs alimentaires. Une question, comment expliques-tu que, au-delà de l'accès aux archives en 2011, comment expliques-tu qu'il faille 50 ans, un jeune chercheur français qui trouve un financement cinéma en France, qui traverse l'Atlantique, comment expliques-tu que n'y a pas un type à Stanford, à Berkeley, qui soit allé fouiller dans les archives et qui a levé le poteau rose avant toi? Je ne m'explique pas. En fait, les chercheurs avec qui j'ai discuté m'ont dit qu'ils pensaient que les archives avaient été détruites. Donc, par exemple, les gens qui ont fait l'expérience de la BBC, avec qui je suis en contact, m'ont dit non, on n'a pas pensé à aller dans les archives et on pensait qu'elles n'existaient plus. Et pour moi, l'explication, c'est que les archives ont longtemps été difficiles d'accès, voire impossibles d'accès, et que c'est que depuis 2011 qu'on y a accès, et que depuis 2011, personne n'avait eu l'idée d'aller dans ces archives. Ou si des personnes y sont allées, elles n'ont rien trouvé, ce qui pour moi est assez étonnant. Et le plus étonnant, c'est qu'une partie de ces archives, peut-être un quart, est disponible en ligne. Donc vous avez des documents accablants qui sont là, disponibles en un clic. Donc, par exemple, vous avez l'enregistrement où il va recadrer un gardien un peu mou et lui dire « Non, tu dois être plus dans l'action, il faut que tu sois violent, sinon l'expérience va être un échec. » Donc ça, c'est quelque chose qui est en ligne, qui a été numérisé par la bibliothèque de Stanford. Et il est toujours vivant ? Il est toujours vivant, oui. Vous pouvez suivre son fil Twitter, là il va s'animer un petit peu dans les semaines qui viennent, je pense. Non, j'ai Skypé avec lui. T'as payé d'ailleurs? J'ai dû payer pour l'interview, ouais, 250 $ la demi-heure. Ouais. Oui, en fait, il a monté tout un business autour de l'expérience de Stanford. Il fait payer $150 si vous voulez reproduire une photo dans un manuel, par exemple. Il a créé une société dans les mois qui ont suivi l'expérience pour gérer les droits d'auteur de l'expérience. Il y a une question. Halifax. Vous produisez un travail extraordinaire, je suis sûr. Mais vous racontez ici, justement, un singulier où on discute les problèmes de fraude et les problèmes similaires. Vous devez avoir un article, un texte, une recherche qui a passé tous les contrôles et qui est déjà paru, je pense, dans un journal avec plusieurs reviewers experts. Ils ont vérifié toutes les données que vous avez. Parce qu'il s'agit d'un travail il y a 50 ans depuis. Comment vous êtes sûr? Il y a plusieurs questions, mais un, que vous avez tout vu. Comment vous savez que vous avez toutes les documentations nécessaires, etc. Est-ce que votre travail passe vos critères de test? Est-ce que vous avez appliqué les mêmes critères à votre travail, comme vous dites, si c'est pas Alonso, pratiquement tout le monde, et il est intuitivement, les résultats sont évidents, on le voit, on connaît ces mécanismes. Peut-être que Zimbardo n'a pas démontré ça, mais c'est intuitivement, c'est la connaissance général qu'on se comporte vraiment comme les circonstances nous dirigent. Voilà, ma question c'est, je ne pense pas que c'est prudent de sortir les résultats de ce milieu qui ne sont pas vraiment passés tous les contrôles. C'est parce que ça prend du temps de passer les contrôles. Donc là, l'article que j'ai soumis, ça fait un an qu'il est en... Il ne faut pas nous dire. Et donc, ça a fait un grand scandale. Mais il a été validé. Et donc là, j'ai les épreuves qui ont été mises en page par l'imprimeur, si je peux vous les envoyer. Je vous félicite. C'est extraordinaire. Les difficultés de 50 ans, ils sont insurmontables, je pense. Après, moi, c'est évident que je ne suis pas parfait, donc il doit y avoir des erreurs dans mon travail. Après, voilà, j'ai publié un livre avec 50 pages de notes, donc tout mon travail est disponible pour les chercheurs qui veulent aller fouiller avec les liens hypertextes, avec tout ce qu'il y a. Le livre est même en ligne, et donc c'est facile d'aller voir si je raconte n'importe quoi ou pas. Et là, l'article a été validé par American Psychologist, qui est la revue officielle de l'Association américaine de psychologie, qui est une des meilleures revues de psychologie au monde, donc normalement qui fait un travail assez sérieux. Et donc... voilà, c'est juste ça. Le livre est paru avant, en français. C'est vrai que peut-être que j'aurais dû attendre un an que l'article paraissait avant, mais voilà, pour moi, les résultats étaient solides et méritaient d'être... Je vous félicite. Vous savez que les livres, pour nous, ils ont une valeur. Oui, mais bon... Mais est-ce qu'une des conditions de possibilité de ton enquête n'est pas précisément que tu n'es pas psychologue, que tu n'es pas dans son espace disciplinaire et donc que tu t'en fous? Et c'est précisément parce qu'il y a zéro aussi perspective de carrière à attaquer un grand ponte, etc., que du coup tu as le temps aussi parce que tu n'as pas d'urgence non plus à publier en psycho. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié à ton extériorité, que tu arrives avec une toute autre casquette et que c'est pour ça du coup que tu tombes sur un truc et que tu peux le faire. Alors que je pense que dans plein de milieux, on connaît ou on pense à des bidonnages ou à des gens qui ont été un petit peu moyens. Et on se dit, est-ce qu'on va perdre beaucoup d'énergie pour se les payer, hein, pour le dire, voilà, c'est aussi une vraie question à poser. Oui, sans doute. Après, juste pour répondre à votre deuxième question, c'est pas parce que... Trois questions, puis après on... C'est pas parce que Zimbardo a bidonné ses résultats que la thèse qu'il défend est fausse. C'est bien que le regard extérieur, donc... qui n'est pas un regard forcément de chercheur de la discipline, est intéressant, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est ça ? Fact. Ah oui, pour moi, oui. Enfin, moi, je défends l'interdisciplinarité et je défends... Mais il vient d'une autre discipline, malgré tout, il n'est pas totalement extérieur. Oui, oui, oui. Non, mais ça pose une vraie question au sens où il a à la fois une formation scientifique qui le rend attentif à la question des faits et de l'ancrage empirique, et en même temps, peut-être qu'une partie de la critique, effectivement, peut venir d'ailleurs. Oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Elle vient d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde où tout le monde. Les données deviendront de plus en plus publiques, et donc de gens qui vont voir, etc. Donc on n'a pas le choix, de toute façon. Sinon, on n'aura pas le choix. C'est quelqu'un qui pose interdire la grève. Vous n'êtes pas présenté. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Martin Gabry, journaliste scientifique indépendant. Donc voilà, je vais dans ce sens. Merci. Moi, je suis Aurélien Max, je suis informaticien à l'Université Paris-Sud et je voulais rebondir sur, dans les sites de solutions que vous avez énumérées, l'une d'elles était les serveurs de TradePrint et vous avez évoqué l'informatique, donc c'est un domaine que je connais bien, c'est quelque chose qui bouge très très vite. Dans des domaines où on met beaucoup d'argent sur la table, où les GAFA sont présents, où ils trustent de première place. Et un effet qui est, à mon sens, trop peu discuté, vous avez parlé du côté vertueux, c'est-à-dire on lance des débats grâce au TradePrint. Ça, c'est certain. Par contre, quelque chose qui commence à faire un petit peu de bruit dans la communauté, mais qui est difficile à dénoncer, c'est aussi le phénomène dit de planter le drapeau. C'est-à-dire que des gens arrivent en voulant faire précédence, en voulant être les premiers, parce qu'il faut savoir deux choses. C'est que dans ma discipline, quand on met sur du preprint, on ne se coupe pas de la possibilité de publication dans les conférences prestigieuses. En informatique, c'est les conférences, pas les journaux, mais c'est pareil. On a pris des précautions. On peut toujours publier. Il y a des règles, pas tant de temps avant la soumission à la conférence, mais c'est assez secondaire. Et par ailleurs, on peut citer des articles sur les préprints. Moi, j'ai un collègue qui travaille dans une entreprise qui m'a dit, tiens, on a mis sur les préprints, c'est formidable, tous les aspects vertueux, et on est cité, on est très content, on est cité. Et le débat, à la fois, il a pu commencer ou pas. Et donc, il y a un chercheur israélien, peu importe son nom, qui a fait une sortie dans mon modèle, hein, qui a fait un post de blog très très détaillé, où il dit, il a pris un article particulier, qui est un article écrit par une université prestigieuse dans le domaine, et il a dit, bah, moi je vais citer cet article. Pourquoi je choisis cet article? Parce que c'est des gens en pignon sur rue qui sauront se défendre, dont la notoriété ne va pas être abîmée parce qu'ils sont déjà très très hauts. Mais leur article, qui avait un nom, vous imaginez, avec peu de mots, où on prétend avoir résolu un problème fondamental très très dur de l'intelligence artificielle, il l'a démonté par le menu en disant, vous prétendez que vous faites ça, vous êtes venu planter votre drapeau, et en fait, moi, je vais vous expliquer, et lui, il s'est permis, parce que c'est vraiment quelqu'un de connu dans le domaine, il s'est permis de le démonter. Et en fait, il a réécrit le titre de l'article en mettant 30 000 mots, c'est-à-dire, en gros, vous faites ça, mais sous les appuis, etc. Et c'est dangereux parce qu'il le met comme ça dans la discussion. Vous êtes un groupe connu, vous avez des résultats, par ailleurs, tout à fait validés. Alors, on a parlé de l'évaluation par les pairs de M. Le Gall a dit, au final, qu'est-ce qu'elle garantit vraiment? Je peux vous dire, dans mon domaine, elle garantit rien du tout, ça va trop vite. On n'a pas les moyens de vérifier. Hein. En fait, de la lecture, vous avez sur la conscience le fait que bah, j'aimerais bien voir ça, puis j'ai tellement d'autres choses à faire que ça passe. Et ce côté, il n'est pas venu du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les prétextes. On veut donner l'impression qu'on lance le débat et en fait, on est là pour dire je suis le premier à l'avoir fait. Et dans un domaine tel que l'informatique, c'est pas ce genre de vérification. Après, les préprints, la différence, c'est que quand un article est publié dans une revue, vous pouvez, après, dans le numéro suivant, il peut y avoir un débat, ou après, on peut rétracter l'article, par exemple. Dans les préprints, c'est comme sur Internet, vous avez des posts en dessous. Et donc, s'il y a un article qui raconte n'importe quoi, vous avez les reviews qui sont publiées en dessous, qui peuvent être notées, comme sur YouTube, par exemple. Il y a des commentaires qui remontent parce qu'il y a plein de gens qui disent « ce commentaire est intéressant ». Et très vite, en fait, il y a 2-3 personnes qui maîtrisent vraiment le sujet et qui vont dire « voilà, cet article, c'est n'importe quoi » ou qui vont dire « non, cet article est vraiment intéressant. Ah, on a... » C'est des reviews, quoi. C'est du reviewing, mais en ligne. C'est pas l'éditeur qui va lui-même déterminer qui sont les reviewers, qui va limiter leur nombre à 2 ou 3. C'est la communauté dans son ensemble qui va dire « cet article est intéressant, cet article n'est pas » et le tri va se faire comme ça. De façon assez naturelle entre les articles qui vont être de la plantée de drapeaux et en fait les résultats sont pas là, la méthodologie est faible, ainsi de suite, et les articles qui tiennent vraiment la route. Enfin, après je dis pas que c'est une méthode qui est parfaite, mais je témoigne juste pour l'informatique, pour être un modeste sur la terrain, dans la plupart des cas on n'est pas apte à dire que le résultat est valide. Certes, il faut partager les données, ça c'est évident, on est convaincu, certes, il faut de la reproduction, de la reproductibilité pour le système, mais malgré tout, il y a quand même cet effet d'annonce, et je m'excuse de dire, mes conférences précieuses dont vous parle, il faut épater la graine, hein, c'est un peu comme les journaux publicitifs, et je pense que c'est assez malsain. Après, pour les motivations... On n'est pas apte en tant que collecteur, excusez-moi, c'est ça, mon témoignage, on n'est souvent pas apte en tant que collecteur à dire c'est valide, c'est pas valide. On va être plus ou moins impressionnés, les ceux qui font la sélection de l'article sont plus ou moins impressionnés, et au final, ça fait une grosse sortie. S'il y a éventuellement une toute dernière question avant qu'on passe la parole à Olivier Bonnet. Je crois que c'était vous au premier. Très court. Merci de la présentation. Je voulais juste savoir si vous avez travaillé avec d'autres personnes pour mener cette recherche, et notamment des psychologues, des spécialistes de la psychologie. Après, l'enquête dans les archives, non, je l'ai faite toute seule, mais ensuite, j'ai discuté évidemment avec beaucoup de psychologues. Donc, Gina Perry, par exemple, qui a fait une enquête similaire sur l'expérience de Milgram, Richard Briggs, qui est à l'Université de Floride, qui est un spécialiste de l'histoire de la psychologie, enfin voilà, tout un ensemble de chercheurs avec qui j'ai partagé ces résultats, avec les gens qui ont fait l'expérience de la BBC sur la prison aussi. Voilà, tous les gens qui connaissaient bien l'expérience de Stanford, j'ai très vite fait circuler un papier en anglais avec mes principaux résultats, avec les liens, ainsi de suite. Et donc, il y a une petite communauté qui s'est formée autour de cette recherche avec qui j'ai beaucoup discuté. Vous comptez l'étendre à d'autres cas ? Non. Bon. Je vous propose d'enchaîner et d'écouter maintenant Olivier Bonnet. Merci.